laissez pas. Cours partout dans ses bras. Quand il la serre mollement comme ça, elle ne sait pas les choses qu'elle ne sait pas. Froisse ses draps quand elle n'est pas là. Quand elle chavire dans des champs ensanglantés de coquelicots. Toutes ces choses qu'elle ne sait pas ne l'attristent pas, loin de là. Les choses qu'il ne sait pas, dans des arcs-en-ciel ici et là, dans son cœur empli de joie, elle sourit, lui ne sait pas. Les choses qu'il ne sait pas se passent quand il n'est pas là, qu'il dérive sur du magma, sur la pente d'un volcan. Toutes ces choses qu'il ne sait pas ne l'attristent pas, loin de là. Les choses qu'ils ne savent pas sont si gigantesques qu'aucun de ne les voit, même si elles courent partout sur leurs bras.